La vie c'est dur, bah ouais, il faut des thunes, bah ouais. Ça bosse c'est dur, de Paris à Marseille. Oui tu sais qu'on est les mêmes frérots, c'est partout pareil. Le jour j'ai zoné, la nuit j'ai volé. Avec mes potes je voulais refaire le monde. Mais j'avais pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés. Les potos je suis dans la française, je les fais drifter comme une allemande. J'ai mon queue sur la banquette, dans ma voiture y'a pas de balance, non. On vit la même vie, ça de Paris à Marseille. Ça se refait sur Paris en sport alors qu'il y avait pas en réveil. On sera pas pote, toi tu rabaisse quand tu veux gérer l'autre. Pour elle, pour lui, je suis prêt à tuer pour la fierté des nôtres. On connaît le travail qui t'achève, ici ça marche quand tu t'acharnes. Zama, tu pensais à moi, je sais déjà pourquoi t'appelles. Ma mère m'a dit, faut pas faire de mal, tu l'oublieras après. Et retiens donc que ça, et tu diras, j'ai pas fait exprès. Demain, même si je perds tout, il me restera la famille. J'dis, Alhamdoulilah, c'est Dieu qui donne, ça se trouve demain, c'est la famine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, fils? Rien de bien drôle pour Blitz, oui, vodka, rhum. J'ai fini comme ça, pourtant moi je voulais rien d'illégal. Des dailles, barrettes, coco, ouais, je me revois à 10 grammes. Y'a des crosses, grosses voitures de haut de gamme. Des coups de crosse perdus à cause de la bonne cam. C'est l'illicite, fils, ici, ici, pour rien servir aux hommes. Protège ton dos, il prend des balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je garde un moral comme un bâton, ouais. J'suis debout, plus peur de béton, ouais. J'en ai trop, plus rien ne m'étonne. Oh no, tu l'as senti dans mes frappes, c'est manger la vie pour mon check, pour les pubs. On est connu pour la riche, je suis technique, j'ai ma place dans l'équipe, on sera riche. J'fais des airs, j'fais des pas, j'reste à la vie dans la ville. Ici ça pète, on parle pas, soudé comme Kappa. Sans donner, ça pète pas, passe à toi des sec pas. C'est un jazz, traité à jazz, que j'active la voie d'état. J'roule la gamasse vers les pèses, y'a mon blaze au Véleda. Vers Marseille, le vélodrome, j'commence à être mélodrame. Devant maman, j'ai fait l'auto, devant le schlag, pas de géogramme. Sur Paris, ça roule des couilles, y'a des schlags qui font les folles. Des appels pour des photos, des impulsipettes. La vie c'est dur, bah ouais, il faut des thunes, bah ouais. Ça bosse c'est dur, de Paris à Marseille. Oui tu sais qu'on est les mêmes frérots, c'est partout pareil. Le jour j'ai zoné, la nuit j'ai volé. Avec mes potes j'voulais refaire le monde. Mais j'avais pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés. À la base, des bases, mon frère, je rappe pour les mecs de la rue. Lyrics vécu et sincère, bien sûr tiré d'images crues. Pense à mes potes dans l'au-delà et combien de fois j'ai failli les rejoindre. Et j'ai très vite compris que le respect se gagne avec la crainte. Le daron a travaillé toute sa vie, mais finalement il a que des miettes. Alors j'ai jobé dans le bloc, puis j'ai acheté une mitraillette. Et si demain je me confesse, j'ai de quoi choquer toutes tes prêtes. Et tu me verras jamais venir comme le godon n'est pas un trait. La boule au ventre, j'entends les gyros. Et quand on cuisine le crack, c'est des cristals minéraux. Les petits sont pistés par la PAC, les grands par les fédéraux. Big up à tous ceux à la rate, un pédophile, 10 coups de couteau, hein. Mauvais, je suis miné comme la A13 ou A7. Mais tu connais, je bombardais l'eau, y'en a jamais assez. Et toute la nuit j'ai fait le hiseb. J'en ai décerné, truc de titulaire. Chez toi ça pue la réserve. Je ramène la fraîche quand tu racaches. Là c'est la haine, sort de la dèche, paye les affaires cash. Je bombarde à ma perte, c'est inquiétant. Charbon, pas de mi-temps. Personne n'est matinal ici, ils savaient ce qu'il a perdu. Qui se force, ça ira qu'avec des drames. Pour ça faut pas dodo, c'est pas de la veine. Nous courons un thème depuis minuit, j'suis trempé dedans. Tu ressens les pas tontons, sauf que maintenant j'ouvre des autres bras tontons. J'suis dans la rente, attends, tu attends beaucoup. Le bon vieux. Posé dans le calme, j'observe le sale horizon. Noyé dans l'air du temps, j'suis sincère comme le béton. Non, j'ai pas baissé les armes, j'ai rechargé les munitions. NSM, même si j'ai tort, le cœur a toujours raison. J'ai le destin tracé et la montre acide. Noir et angoissé, j'ai le cœur qui bat vite. Une vision blasée, trajectoire tragique. Marseille, Paris, c'est la même merde, y'a rien de magique. Ouais, c'est carré, c'est de la calice, c'est ça le flow que j'ai sorti. C'est la folie, c'est du minot, j'suis rare comme un bon amorti. J'suis dans l'espace, oh. Demande à Ricky, demande amorti. Parce que le niveau est trop haut sur la BO, Marseille, Paris. La vie c'est dur, bah ouais, il faut des thunes, bah ouais. Ça bosse dur, de Paris à Marseille. Ouais tu sais qu'on est les mêmes frérots, c'est partout pareil. Le jour j'ai zoné, la nuit j'ai volé. Avec mes potes j'voulais refaire le monde. Mais j'avais pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés. La tête est pleine comme le disque dur. Joba dans la chambre pour des disques d'or. Petit frère fait TP jusqu'à la fermeture. Le Zen vient de rentrer, j'ai mission vers le nord. Ah, viens pas me voir quand t'es dans la merde, t'étais pas là avant. Des gens ils font les gros, je les ai vus partir en cavalant. La devise du quartier, tu connais, faut pas balance. Ils voudront tous ta vie quand sur eux t'auras pris de l'avance. Hey, mon frérot, tu colles tout le monde, viens pas me parler des miens. À l'affût, pas de gants, alors ça mettait des chaussettes sur les mains. Le bénéfice est fait, donc on s'entend, hey. Fais pas le macro, ça peut venir t'éteindre sur un deux temps quand tu penses à détendre. Des refs qui tournent encore depuis deux étés. La rue, c'est plus que c'était. Un gramme de coke pour qu'il retourne ta cité. Et sa caméra, range-moi ton Glock, t'es con, tu veux que les clients courent. J'ai passé le stade, je veux plus me permettre de prendre des sables sur clients court. Je roule un terre, j'écris encore par où, je les vois qui partent en couche. Je peux pas toucher le bénéfice, il reste 2 kills encore. Cas sociaux, ça fait des courses poursuites sur des bécanes volées. Les petits en PCX, ils barreaux de cagoulés. T'as que de la caille donc t'étonnes pas si t'as coulé. Char de chez la nounou, je les ai vus débouler. Y'a rien qui m'impressionne, j'ai vu la mort de près. Les revolvers, les tenues noires, la cité c'est plus que c'était, tu peux me croire. On vit au jour le jour, on tend même plus la joue. On court derrière les thunes, on donne notre temps au folle car on a plus d'amour. Demande à Stamboukane, on s'emboucane plus. Marseille c'est cramé pour un regard, ça tue. Tu veux le rappeur mais tu n'as pas la geste, la vertu, le vécu. Moi je suis venu, j'ai vaincu. Je suis dans mon hall, je picole quand je fais les comptes. Si tu payes pas à temps, c'est règlement de compte. Et ouais mon pote, on a fait couler le sang. Si t'es pas de ma famille, ne m'appelle pas le sang. La vie c'est dur, bah ouais, il faut des thunes, bah ouais. Ça bosse dur, de Paris à Marseille. Ouais tu sais qu'on est les mêmes frérots, c'est partout pareil. Le jour j'ai sonné, la nuit j'ai volé. Avec mes potes, je voulais refaire le monde. Mais j'avais pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés, pas les lovés. On aime la rue, donc elle nous ruse. Et elle nous charme avec la drogue, la thune. On est tous camisolés, camisolés. La camisolée, camisolée. Roi écarté, roi de la ville, rien qu'on consomme. Qui n'est pas avec nous est contre, rien qui consomme. De la peine pour qui en vaut la peine, ne reste pas la peine. Personne n'encaisse la perte à tous ceux qui manquent à la peine. Chacun sa place, faut que le passe, plus rien ne passe. Tôt ou tard on y passe, coincé dans l'impasse. Rien à perdre, tout à prendre, mais on peut s'entendre. Pas question de s'étendre, pas son temps, tout le monde peut s'en prendre. C'est faut que l'école et tous les codes, ça ne peut pas attendre. Chemin d'un décompte, tu vois le décor, ça ne peut pas s'apprendre. La vie c'est dur, bah ouais, et le cœur finisse par se fendre. Coin par se vendre, arme par se tendre, petit par se pendre. Mon sang sur la bande son, toute ma vie tatouée. Je sais comment les gens sont, mais je peux pas tout avouer. Paris, si ça veut tout à souhait, tout en main. Aujourd'hui, cette main, toujours en chemin pour meilleur lendemain. Pas plus sûr qu'en sous, faisons soi discret. Pas plus sûr qu'en sourd, jamais distrait sur les petits secrets. Faut pas traîner, qui te juge, faut pas t'aimer. Pas de pied dans le bis, te mettre dedans, c'est pas t'aider. Toujours pas mieux comme contenu. A chaque trahison, je suis convenu, toujours pas eux comme convenu. Mon love n'est pas cornu, la vie c'est dur, je l'ai pas reconnu. Rangel ou tag a dit, je regrette parce que j'ai pas connu.